Mama, ogongai na lembi. parce que l'amour passe avant son dé. On s'en souvient du paradis perdu. On cherche par ici, on cherche par là. On s'est dit bien, c'est l'amour qu'a commandé. On passe par ici, on passe par là. On s'est dit bien, c'est l'amour qu'a commandé. Lorsque l'amour passe en son dit, on s'en souvient du paradis perdu. On cherche par ici, on cherche par là. On s'est dit bien, c'est l'amour qu'a commandé. On passe par ici, on passe par là. On s'est dit bien, c'est l'amour qu'a commandé. Mon amour, je t'adore. chez toi, mon amour, je t'adore. Viens à moi, mon amour, je t'adore. Disparu.